Bonjour, direct 22 juillet 2023. Donc, il est 6h37 du matin. J'aurais pu le faire plus tôt, mais bon, je vais aller répondre à des commentaires des dernières vidéos. Donc, je vais attendre qu'il arrive des gens. Il n'y a personne encore. Il est peut-être un peu tôt. Mais bon, il doit y avoir des Européens. C'est pas la même heure, on est 6 heures plus tard en Europe. Même, j'avais à un moment donné des gens qui étaient dans l'océan Indien. Donc, bon, on verra. Ah bon, il y a déjà 2 personnes. Donc, moi, personnellement, là, j'ai pas de sujet, comme d'habitude. Bonjour, bon matin. Ah ben oui, ah ben vous êtes au Québec. Donc, ben oui, mais. À un moment donné, on se lève plus tôt. Hein? On se lève plus tôt. Hein? Bon matin, Mister Guerrière, qui est à Montréal. Ah, Isabelle, bonjour, bon matin. Oui, ben oui, mais je me suis levé à 4h40 du matin. Donc, moi, ouais. Mais c'est ça, hein, quand on. Bon, bonjour, oui, Québec, ben oui. Ah, je me fais du café, bon. Toujours. Bonjour Ima. Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour Marie-Jeanne. Donc, bonjour Ariane. Donc, ben c'est ça. Donc, est-ce qu'il y avait des sujets? Bonjour Anaïs, Sabrina. Bon, je suis quand même de bonne humeur, là. J'ai répondu un petit peu à plusieurs commentaires. On se levait à la même heure. Ah oui. Bonjour, un plaisir d'être là. Pour une fois au début de votre live, ah, bon, tant mieux. Ouais, je suis un lève-tôt. D'ailleurs, j'ai même pas pris ma douche, pour ça que je suis coiffé comme ça. Pas encore. Bon, maintenant, bonjour. Donc, est-ce qu'il y avait des choses, est-ce qu'il y a des sujets? À le dernier commentaire que j'ai répondu, c'est Fergus. Il s'en vient obsédé. Comme d'autres, comme on a vu d'autres. Mais là, moi, je vois ça comme ça, là. À un moment donné, il faut décrocher. J'ai déjà eu un petit conflit avec Sabourin, mais je l'achale pas. Je l'achale pas. Je suis pas obsédé par lui. Je viens de voir, ouais. Ben oui. C'est parce que ça devient fatigant. C'est désajusté, là. En tout cas, le film Freedom, ah, moi, ben, moi, je l'ai pas vu. Je peux pas en parler. Non, ce que j'ai regardé, c'est comment ça s'est financé, comment ça a été fait. C'est vrai que c'était fait en 2000, je pense, de 2017, puis après, en 2018, il était fait, puis surtout pour. Hein? Votre vidéo sur Carlos Slim est vraiment d'intérêt public. Tellement de monde tombe dans le piège. Ben oui, j'ai même écouté une émission avec Ken Pereira. Ken Pereira, puis il parle pas de ça. Il n'en parle pas de ces aspects-là. C'est lui qui dit comment follow the money. Ce serait peut-être. En tout cas. Mais bon, ben franchement, là, monsieur Pereira, là. C'est un business, hein, ces autres. C'est un peu comme bon, monsieur Pilon, puis les gugus pyramidales là, de vente de produits naturels. J'ai une tante, elle était dans toutes. Les lames et la leuka, l'huile d'émeu. Vite, c'était quoi Herbalife? Puis, les champignons, la pâte à dents aux champignons. Puis bon, j'ai vu ça avant, là. J'ai vu ça avant. Les pleines lunes peuvent causer de l'insomnie. Pourrais-tu expliquer le phénomène? Ben, c'est magnétique. C'est magnétique. Ben, comme là, ce qui s'en vient, c'est le 18, ça va être la nouvelle lune. C'est aussi pire que la pleine lune, là. C'est aussi fort. Parce que là, il y a la Lune s'additionne au magnétisme de la Terre. Mais expliquer le phénomène, moi je peux constater le phénomène, mais là, l'expliquer, là, ça devient complexe. Mais il reste qu'au niveau cellulaire, vous savez, c'est quoi une cellule? C'est un petit astre. Un petit astre. C'est composé surtout d'eau. Donc, c'est sûr qu'il y a un effet entre les astres, hein? Je veux dire, la Lune est influencée par la Terre, vice-versa, le Soleil. Bon, c'est pareil avec vos cellules. entre autres. Pereira et Pilon, deux clowns, tant qu'à moi, qui veulent juste se remplir les poches. Mais Pereira, je vois pas comment qu'il se remplit les poches. Par contre, Pilon, c'est plus évident. C'est plus évident. Mais je fais beaucoup d'insomnie lors des phases lunaires. Moi, ouais, ben, c'est parce qu'il y a plus d'activité. Ben, il y a l'activité psychique. À un moment donné, il y a moyen de dormir pareil, mais là, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir un sommeil plus agité. On rêve plus, des choses comme ça. Mais ça devient, le corps, ça se conditionne, le système nerveux, ça se conditionne. C'est-à-dire que, ben, sans s'en rendre compte, on se conditionne à faire de l'insomnie. De la même façon, on peut se conditionner à dormir. Mais des fois, souvent, c'est de se dépenser dans la journée. Donc, c'est sûr que, comme hier, j'ai fait une sieste dans l'après-midi. Puis finalement, mais quand même, je me couche aux mêmes heures, puis je dors pareil. Même si j'avais, mais c'est ça, je me réveille à l'aube, là, par contre. Bon matin, Claudine. Mais je pense que c'est vraiment une affaire de conditionnement. Dans le sens, ben c'est ça, si l'insomnie est là, ça veut dire qu'il y a eu une mise en condition. Ça s'est installé. Donc, là, c'est de devenir son propre programmateur. C'est-à-dire, venir inverser ça, là. Mais ça peut être complexe. Des fois, il y en a qui sont plus sensibles. Comme moi, je peux prendre un café puis aller me coucher puis je vais dormir. Mais il y a des gens que juste un peu de café, un peu de thé. Des fois aussi, c'est parce qu'on n'a pas assez mangé, qu'on s'endort pas. Puis le corps, bon, il est fait pour rester actif tant qu'il sait pas, comment qu'il disait ça, le chanoine Caron, tant qu'il n'a pas été sustenté. Hein? Roselyne, bonjour. Bon, bonjour. Maxime, salut. Oui, ça va. Ben oui, ça va. Pourquoi ça irait pas? Même quand ça va pas, ça va. Même quand ça va pas, ça va. J'ai eu une bonne semaine. Donc, bon, je suis quand même de bonne humeur. Quand arrive le samedi, je m'ennuie un peu. Je trouve ça plate le samedi. Mais c'est là que, bon, je m'occupe. Puis là, je sors un petit peu dans le jour, là. Je fais des visites. Puis l'affaire, c'est parce que la bourse est fermée le samedi. C'est ça que je trouve plate. Puis bon, ben c'est ça. C'est ça. Comme c'est devenu ma principale, une de mes principales occupations, ben la fin de semaine, je trouve ça long. Que je trouve ça long. Ouais. Ben oui, ça va. Ça va, mais le samedi, j'aime pas le samedi ni le dimanche. J'ai un petit peu de misère avec ça. Quand j'étais enfant, c'était mes jours préférés. C'était mes jours préférés. Puis maintenant, pas du tout. Ce mois de juillet, il y a eu un pic d'énergie bouleversante intrafamiliale, comme un gros nettoyage. Ah oui, moi pour vous, parce que ben franchement, je trouve ça assez tranquille. Mais moi, juste, il y en a que ça devrait, comme je dis, avoir de l'activité beaucoup, puis jusqu'au 18. Attends, on est passé le 18, qu'est-ce que je dis là? Ben oui, je suis perdu dans le temps. On est le 22. On est le 22 juillet. Il est où, mon? Ah, ben, c'était le 18, la nouvelle lune. Donc, là, OK, bon, on s'en va de bord. On s'en va en lune grandissante. On s'en va en lune croissante. OK. Vous voyez comment je suis perdu dans le temps. Maxime, vous êtes un nouveau sur le chat. Ouais, oui, on s'occupe, on n'a pas le choix, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on n'a pas le choix qui est. Oui, mais j'écoute depuis longtemps. Ah. Ben oui, c'est vrai, j'avais jamais remarqué, mais c'est ça, c'est vrai, c'était le 18. Là, on est en, ça veut dire, on tombe en lune croissante, dans le fond. Puis, la gang à Glen, ils ont des nouvelles dates, là, pour le mois prochain. Là, il faudrait que j'aille voir mon calendrier, j'ai noté ça. J'ai noté ça. J'ai un petit côté, moi aussi, des fois, je peux être enfantin, dans le sens que j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. On regarde le phénomène. Dans le sens que, ben, s'il n'y a pas le contact au sens de, ben, du contact, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres choses. Puis c'est en étudiant l'astralité qu'on voit à l'extérieur qu'on peut des fois la défaire à mesure à l'intérieur. Donc je regarde, j'observe, de l'observation. On est tous des grands enfants. Ah ça oui, un adulte c'est un enfant qui a de l'expérience. Tout simplement, le reste, est-ce qu'on l'intègre ou pas? L'expérience. Parce qu'on est encore dans de l'expérimental, moi en tout cas, là. Oui, ils ont des nouvelles dates. Ben oui, il dit, ça va être aux yeux de tout le monde. On va tout le voir. OK, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Mais c'est des coups de dés, hein. C'est des coups de dés, il n'y a pas froid aux yeux. Mais il faut dire que j'ai jamais eu peur d'eux. Jamais eu peur. Mais c'est intéressant, hein? Mais moi, je le chale pas, monsieur Glenn. Je le chale pas. C'est comme, voyons, c'est quoi l'autre gang? Un bout de temps, je peux aller voir là, les dièses. Je les laisse tranquilles. Hein? C'est de l'observation. J'ai pas besoin de confronter pour m'affirmer. Prenez. Hey, bonjour, Régine. Prenez. Moi, oui. Ben, pas, là, ça va être sur 4 jours. Là. C'est pas comme le 24. Marie-Jeanne. OK. Moi, à un moment donné, j'ai dit, Bernard de Montréal, il y a du matériel inédit qui va finir par sortir. Puis je le savais, mais personne ne me l'avait dit, là, j'étais pas au courant. Mais depuis que c'est sorti, j'en ai pas écouté. J'en ai pas écouté, puis ben franchement, je pense que je les écouterai pas. Pas je les écouterai pas. Pas dans le sens que j'en ai pas besoin, mais dans le sens que j'en ai assez de stock. Dans le sens que j'en perçois assez d'affaires. Prends des petites vacances. Même ça se peut que ce soit définitif. Je suis tellement tanné des aspects sectaires qui sont autour de ça. La vibration de Montréal. La vibration de Montréal, je suis tanné. Ben franchement, là. Il a dit 24 février, mais il n'a pas précisé quelle année. Non, là, c'est du 14 au. C'est au mois de août, il me semble. C'est du 14 au je ne sais plus quoi, là. Je l'ai pris en note, mais je l'ai oublié tout de suite après. Bernard a l'air louche d'un côté. C'est pas que c'est louche, pas louche, parce que, ben, il n'était pas parfait. Dans le sens que, ici, même il l'a dit lui-même à un moment donné qu'il s'était fait avoir, souvent. Puis là, le stock qui est sorti date de 82-83, dans ces années-là. Donc, c'est pas le Bernard qui se rend compte, d'autant que je parle vers la fin, là, la psychologie évolutionnaire. Là, il y avait eu de l'intégration beaucoup. Puis c'est pas la même. C'est pas la même instruction. Donc, le côté des années 80, qui est encore entouré de gens que veut pas, la vibration des gens qui nous entourent va influencer ce qui descend, là, entre guillemets. Ça ne me tente pas d'écouter ça ne me tente pas. Il a bien dit, faut pas me croire. Oui, c'est vrai. Mais l'affaire, c'est que, oui, une affaire, j'ai remarqué, ça, c'est une affaire. Je pense que dans ceux qui ont eu quand même une certaine influence, dans le sens qu'ils m'ont influencé, là, veux, veux pas. Parce que des affaires que c'était vérifiable, c'était technique, puis bon. Mais il reste que, moi, je remarque, le monde le croit. Le monde le croit. Ils sont rares ceux qui le croient pas. Moi, je le crois pas. Mais ben, j'ai tout le temps eu un rapport ambigu avec, parce que, quand j'étais enfant, je considérais que c'était une secte. On me casse les oreilles avec ça. Puis la mère de mon père a perdu de l'argent là-dedans. Donc, peut-être je suis plus d'une position de ne pas le croire. Puis de prendre ça plus avec des pincettes que d'autres qui sont impressionnables. Moi, je ne m'impressionne pas, là. Pas en tout. Il n'y a rien qui m'impressionne vraiment pas, là. Fait que bon. C'est quoi les impressions au sens, t'sais, comme imprimé, là. L'âme est imprimée vibratoirement vers des impressions. Donc, Bernard Boucher, en psychologie évolutionnaire, a touché le principal. Ouais, c'est vers la fin de sa vie que je trouve qu'il était le plus intéressant. Une affaire que Sabourin y a rapporté, c'est que quand il était malade vers la fin, il disait, je succombe à ma programmation, puis j'ai jamais pris soin de ma santé. Il avait dit ça. C'est un Bernard bien différent que le Bernard des années 80, là. Bonjour, Samab. Donc, non, je sais pas. Je le savais qu'il y avait du stock inédit, pas parce qu'on me l'avait dit, mais parce que je le savais. Puis que ça allait sortir à un moment donné, puis que ça ne m'a pas surpris. Mais c'est du stock de début des années 80. Cette ambiance-là. Mais là, tu sais, je juge sans avoir écouté. Mais c'est comme quand je suis allé visiter Toronto. C'était exactement comme je pensais. Puis j'aurais pu rester chez nous, finalement. Ce n'est pas tout ce qu'il dit qui fait vibrer, mais il a beaucoup d'inspiration à travers certaines de ses rencontres. Moi, sûrement. Sabourin, vous en pensez quoi? Ben, pas grand-chose. Ben, moi, je l'aime bien, Sabourin, mais je l'écoute pas. Je l'écoute plus. Pas besoin. L'affaire, là, c'est une fois qu'on a son contact, ça devient moins intéressant. Bien moins intéressant. Puis surtout de se rendre compte qu'on l'a toujours eu. Qu'on ne le savait pas, on ne le réalisait pas. Mais ben, franchement. Non, je pense que c'est un bon bonhomme, Sabourin, mais le problème, c'est qu'il se pense éveillé. Bon, ok, c'est correct, là. Mais il a marché 100% dans le narratif des dernières années. En tout cas, c'est correct. C'est pas un mauvais bonhomme, là, au contraire. Mais des fois, je m'en veux un peu d'y avoir envoyé du monde. Surtout quand c'est. Bon, en tout cas, parfois, je lis les commentaires des gens. Ils ont vu des heures et des heures de vidéos de BDM. C'est bizarre, j'ai vu juste quelques vidéos. Moi, je pense que j'en ai écouté peut-être 75. J'avais un carnet de notes, puis je les écoutais l'un après l'autre, puis j'ai barré à mesure. Mais il y a ces vidéos, ces enregistrements pour les. Voyons comment que ça s'appelle, là, les enregistrements qui parlent tout seuls, là, c'était pour les. Voyons, les séminaristes. Eux autres, je les écoutais en dormant. Je mettais mes écouteurs quand je me couchais la nuit, puis je partais une vidéo, puis je m'endormais, ça prenait 5 minutes. Je les écoutais comme ça en dormant. Donc, hey, bonjour, maman présent. C'est ça, lire, écouter, puis c'est tout. Ça se peut comme ça se peut pas. Rien croire ni mémoriser. C'est parce que c'est toutes les affaires. Oh, c'est pas truc. Je veux pas rien dire, là. Je suis pas au courant. Je l'ai jamais écouté. Puis c'est ça. Ego, ego. Problème de l'homme. Ben, pas nécessairement. S'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de conscience. L'affaire, c'est qu'il y a de la pollution dans l'ego. Brûler de l'ego, c'est pas de détruire l'ego. C'est comme l'épurer. Moi, je le vois de même, en tout cas. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne qui s'intitule Bernard de Montréal. Laquelle chaîne? Ah, je sais. Ah, vous parlez d'une chaîne. Michel Thomas. Je connais pas. Je les écoute pas, hein. J'écoute pas personne de ces milieux-là. C'est une certaine de mouvance. C'est un peu comme s'il y avait eu un schisme jusqu'à un certain point dans le nouvel âge. C'est du monde en réaction contre le nouvel âge. Ça crée des mouvances alternatives à l'ésotérisme. Puis je trouve pas ça intéressant. Moi, j'ai jamais aimé. Ça m'a jamais intéressé, ces affaires-là. Mais vraiment pas. Donc, je connais pas personne. J'écoute pas personne. J'ai remarqué. Dans les conférences de BDM, chaque fois, il y a quelqu'un qui tousse. Ben, dans ce temps-là, ça fumait pas mal, là. Je me rappelle, quand j'étais enfant, à l'urgence, il y avait des cendriers dans la salle d'attente. Vous alliez à l'accueil, l'infirmière était là. Oui, mettez votre carte. C'était comme ça, hein, dans ce temps-là. J'ai commencé à écouter BDM, j'ai beaucoup maigri. J'ai m'endormi aussi avec les. Ah oui. Eh ben. La nouvelle chaîne que David a parlé, ouais, c'est sur les nouvelles, les affaires inédites là, qui viennent de ressortir. Ben, c'est sûrement bien intéressant, c'est sûrement bien correct puis tout, mais je n'ai pas écouté une à date. Puis je pense pas que je vais l'écouter. Je vais l'écouter, ben franchement. C'est comme si. Non, non. C'est quoi Bernard? Il dit, il n'y a rien à comprendre. Le jour où vous aurez compris, il viendrait puis m'écouter. Je pense pas avoir compris rien. Mais possiblement que, je veux dire, c'est Sergio Poirier, j'y avais dit, je l'écoute plus, Bernard. Puis il avait dit, t'as pas l'écouté, il t'a passé assez de stock dans le truc de même. Pourtant, même ça, faut pas le croire. Bernard m'a fait prendre conscience de la programmation du plan mémoriel qui nous leurre, puis d'un plan plus éthéré qui fait la même. Ouais. Mais quand il y a du nouveau qui est capté, là, du vrai, vrai nouveau, ça vient pas des plans mémoriels. Ça qu'on pourrait appeler, ben, en guillemets, là, des gros guillemets, entre parenthèses, l'esprit. Donc, Michel Thomas n'est pas sur YouTube, il écrit seulement sur Facebook. Ah, je pense que c'est qui fait de la consultation, ce monsieur-là. C'est pas lui, là, qui. En tout cas, je ne commande jamais, mais je suis toujours très intéressé. Bon, ben, vous savez, c'est comme là, les dernières vidéos, je t'avais commenté, j'avais le temps ce matin. Puis, c'est quoi, donc? Il y en a un, il n'y a pas longtemps, il m'a écrit, dis-les, ce serait plus honnête si tu disais que tu t'en calisses des commentaires puis que tu les lis même pas. Non, non, je les lis. Fait que lui, j'ai répondu, j'ai dit, je m'en calisse tellement des commentaires que toi, t'es barré. Je l'ai coupé. Ben, bon vent. Après ça, le monde, il trouve que je suis pas fin. Ah ouais, mais vous venez vous essuyer les pieds sur ma table à dîner. C'est sûr, je vais être pas fin. C'est sûr. Hein? Je dois rien à personne, dans le fond. Ouais, tu vas me dire, oui, tu dois le respect. Je ne suis pas irrespectueux. C'est des fois quand je suis choqué, puis tout, il y a une raison. Il y a une raison, là. Ça peut arriver que je sois irrespectueux. Il y a tout le temps une raison. Puis là, c'est pas parce que je me donne des raisons pas. Dans le fond, je réfléchis même pas. Je réfléchis même pas, c'est naturel. Hein? C'est ça, je comprends pas grand-chose à BDM et à beaucoup de supramentaux. Ben, il n'y a rien à comprendre. C'est au niveau de la pratique et de l'expérience qu'il y a de quoi. Ça fait que c'est de l'intégration plus que de la compréhension. Si au niveau dans votre journée, des pensées qui vous passent par la tête, à un moment donné, vous êtes capable d'avoir un point d'observation, vous êtes capable de comprendre que vos pensées, c'est pas vos pensées. Dans le fond, la dynamique, elle change. La dynamique, elle change, puis on se rend compte qu'il y a un phénomène de manipulation interne. C'est tout simple que ça. Vous connaissez Daman Ur? Non. Je dois rien à personne. Ben non. Dans le sens que j'aurai un sens, le devoir, mais pas de la dette. Pas de la dette. Ben non, t'es bien fait. Il y en a des gens, on dirait qu'ils s'amusent à citer. Ouais, je le sais. C'est pour ça que je fais mon live si tôt. Les gens très astralisés, souvent, ils se lèvent pas de bonne heure. Puis souvent, le soir, ils dorment pas, là. Y en a beaucoup qui dorment pas. Fait que je le sais qu'ils dorment à certaines heures. À moins qu'ils aient passé la nuit debout. Donc, tout le monde veut s'accaparer de ce supramental. Moi, pourtant, c'est un phénomène. C'est pas une idéologie. C'est pas une doctrine. Donc, moi, observer. Dans le sens que de comprendre la mécanique subjective du réflectif, c'est tout. Si vous êtes capable d'atteindre un point d'observation de ça, là, vous êtes dans le surmental. Qui est pas ce que les ésotéristes en ont fait, là. Hein? Il y en a pour qui le surmental, c'est pire que le plan astral. Même le plan astral, c'est de l'illusion. Un peu comme comment est-ce qu'on appelle ça, là? Des hologrammes. Bon, j'aimerais savoir combien de temps avez-vous mis pour créer votre cabinet? Lorsque j'ai vu, j'ai pensé que cela était une acquisition. Ça m'a pris 2 semaines. Ça m'a pris 2 semaines. Il y avait un objet qu'il fallait que je déplace, qu'il fallait que je le sorte d'un garde-robe, puis je le mette ailleurs. Puis là, j'avais du bois que j'avais ramassé. Puis j'ai commencé à faire une structure autour. Puis finalement, non, ça m'a pris peut-être 2 semaines, mais il y a des choses que j'attendais, comme la quincaillerie, là, ça a été long. Ça, je l'ai commandé des mois d'avance parce que, bon, c'est sûr, ça vient de loin. Puis 2 semaines à peu près. S'observer. Du coup, t'as les australisés français. Non, pas nécessairement. Il y a moins de trôlage qui vient de la France que du Québec. Dans mon cas, là, ça existe des trolls français, mais dans mon cas, il va y avoir des conflits de personnalité. C'est-à-dire, il y en a, ils vont vouloir. Ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de s'affirmer. Toutes sortes de mécaniques psychologiques. Au Québec, ça va surtout être des Québécois qui vont agir comme ça avec moi. Quoique j'en ai eu, là, des trolls français. Mais il reste que tôt le matin, c'est surtout des Québécois, moi, qui m'aiment pas. Qui m'aiment pas. Puis, pas dans le sens qu'ils me haïssent, mais dans le sens qu'il y a quelque chose. Il y a un compte. Mais des fois, je pense qu'eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils font ça. Ils suivent une vibration. Puis ils peuvent pas s'en empêcher. D'ailleurs, c'est arrivé des trolls là, qui disaient, moi je m'occupe plus de toi, puis je viendrai plus, puis je dis, tu pourras pas t'en empêcher, mais ça c'est parce que je le savais. On reconnaît. À un moment donné, on reconnaît, puis bon. Eh hey, bonjour, Jean-Paul. C'est l'observateur qui crée ce qui est observé, ça dépend. Ça aussi, si c'est réflectif. Est-ce que c'est une observation objective? Si l'observateur sait que son observation, c'est une interface, il sait aussi qu'il existe ce qu'on pourrait appeler la chose en soi. C'est-à-dire que ce qui est observé existe par lui-même en dehors de votre observation à la base. Puis votre observation, c'est une interface. Donc, vous recréez dans votre observation une interprétation qui est plus ou moins objective. Mais il reste que le réel, c'est ça, dans le sens que c'est ce qui existe en dehors de votre perception par lui-même. Le réel va exister en dehors de votre perception par lui-même. L'observation, c'est une interface, une tentative. Mais il reste que les choses existent en elles-mêmes en dehors de l'observation. Ils ont une, ce qu'on pourrait appeler une réalité objective. C'est ça le réel. Donc, intégrer le réel, ça devient compliqué parce que juste l'observation, on ne peut pas faire autrement. Là, dépendamment de si on réussit à débusquer la subjectivité dans la mécanique d'observation, il peut y avoir ce qu'on pourrait appeler la vue. Voir. Donc, le réel est en dehors de l'observation. Ben oui. Si c'est observé, c'est déjà une interprétation. Dans le sens que, ben c'est ça, comme un copier-coller. Ouais, ça sera pas. Vraiment, ça, c'est un peu comme si vous faites des photocopies d'une photocopie. Ça pourra pas être aussi clair que. Mais il reste que c'est déjà un début. C'est déjà un début. Moi, si j'aime pas, je pars, je passe pas ma vie à faire la guerre avec les gens. Oui, mais si on reste dans le psychologique puis dans la personnalité, il y a des gens, ils peuvent pas s'en empêcher parce que c'est lié à l'affirmation psychologique. Donc, à ce moment-là, c'est difficile de. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils peuvent pas s'empêcher de chercher des conflits. Ils vont être acariâtres. Parce que c'est psychologique, c'est lié à leur personnalité. Ça empêche la personne de s'épanouir. Oui, c'est coloré, ben oui. Puis, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus dangereux. Souvent, c'est je vais me faire avoir par ma bonne foi. Par ma bonne foi, dans le sens, j'essaie d'être gentil, puis là, je vais laisser des gens s'approcher. Puis là, tout d'un coup, je me rends compte que la personne, dans le fond, il n'y a pas d'échange réel, dans le sens que, au fond, je peux rien faire, pour la personne. Puis même, je vais me nuire. Là, dans ce temps-là, des fois, je vais être sélectif. La fameuse sélectivité. Mais il y en a, au niveau de leur émotivité, sont comme. C'est comme l'enfant. L'enfant, il ne peut pas supporter d'être rejeté parce que sa survie en dépend. Donc, plus la personne est puérile au niveau psychologique, plus elle va mal l'apprendre, la subjectivité, elle va même prendre ça pour de l'irrespect. Puis là, ça devient dangereux parce qu'au niveau de s'affirmer, parce que c'est une fausse identité, c'est une identité psychologique, là, il va falloir qu'elle tombe dans la confrontation pour essayer de reconstruire ce qu'elle pense avoir perdu alors qu'à la base, il n'y a jamais rien eu. Là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. J'ai même eu des stalkers, là, des années de temps. Mais je parle pas, hein, ils venaient pas dans mes fenêtres, là. Ça pas des stalkers. Mais des fois, je me doute, il y en a un qui va finir par prendre l'avion ou l'autobus, puis je vais peut-être finir par me faire tuer. Ça pourrait arriver. Je capote pas avec ça, mais je sais jusqu'où ça peut aller. Je suis pas stupide. Hein? C'est une captation. Ouais. Alors, ça dépend de quoi on parle. Il faut se protéger de ces gens-là. Ben, on peut pas totalement se protéger. Dans le sens, moi, la seule façon que je peux me protéger, c'est je reste sensible et disponible. À un moment donné, je le sens. L'affaire, c'est souvent, je vais le sentir avec un délai. Donc, faut que je le sache que je le sache en temps réel, là. Ça devient une question de survie. On a une vie courte pour s'embêter avec les gens. C'est perdre du temps. Moi, mon intègre aussi. À date, les gens qui me confrontent, ou souvent, ils vont pas encore dernièrement. Il y en a un qui n'était pas content. Un monsieur, j'ai quand même, il est un petit peu plus vieux que moi. Je pense qu'il est pas loin de 50 ans. Puis, il m'attaque. Il m'attaque, puis sans me nommer, là. OK, il faut que je te lui réponde, puis tout, mais ça finit là. Dans le sens que ben, c'est dur, ça se tient avec moi, parce que je réfléchis pas. Je décris ce que je vois en temps réel. Ça devient facile se défendre. C'est facile le débat à ce niveau-là. Ça va vite. Ça va vite. Ça fait que ça va pas durer longtemps. Il va être un bout de sang mêlé. Ça marche jamais. Ça marchera pas, là. Je suis pas dans une guerre de débat, là. Je suis pas dans le débat, pas 2 secondes. Donc, bon. Le psychologique involutif, c'est vraiment un cancer. Étonnamment, Bernard est parti à cause d'un cancer. Bon, ça m'étonne pas vraiment non plus. Ben, il n'a pas l'air d'avoir pris soin de sa santé, Bernard. Donc, c'est ça. Mais c'est un peu comme. Ben, c'est ça. Mais c'est correct, je veux dire. On a chacun une programmation, puis c'est ça. On n'est pas pour. On peut se battre, oui, contre la programmation, mais il ne faut pas qu'il y ait de lutte. Dans le sens qu'il faut qu'on intègre, c'est tout. Ça donne, on ne gagnera pas, on peut pas l'enlever, la programmation. Moi, ce qui m'avait choqué un peu, c'est quand Manny Glenn, je pense que c'était une entrevue avec Moses, il me semble, ou Ménard, je pense que c'était Moses, puis il avait dit, ouais, il est mort d'un cancer du côlon, parce qu'une partie de ce qu'il disait, probablement, c'était de la merde. Quelque chose de même. Quelque chose de même, ça m'avait mis en colère. Parce que si ça marchait vraiment de même, Glenn serait mort bien avant lui. Tant qu'à moi, là. J'ai l'impression que tu parles de ma vie. Du coup, je me suis mise à très peu parler. Ben, pourtant, c'est important de développer votre parole dans le sens que faut pas non plus que ça soit par procuration, hein. En tout cas, croissant. Moi, c'est l'impression qu'il n'y a rien à faire à part suivre sa programmation jusqu'à l'écœurement. Ben, à un moment donné, on est tanné. L'écœurement, oui. C'est fort, ça. C'est vraiment fort. Il y a bien des affaires que j'ai fini par faire. C'est pas que je n'étais plus capable. J'étais écœuré. Donc, c'était quoi donc? Il m'est venu quelque chose, puis c'est reparti. Se battre contre la programmation peut engendrer la colère dans le corps qui est nuisible. Il et destructrice pour le corps. La colère, c'est une des choses les plus précieuses que vous avez, c'est de l'énergie. C'est juste, faut la convertir. Si cette énergie-là n'est pas convertie, puis qu'il y a des blocages, c'est là que ça peut nuire. Mais la colère, c'est ce qui est le plus facile à transmettre en volonté. En volonté. C'est comme le meilleur moyen de vous venger des gens qui vous aiment pas, c'est de réussir votre vie. Ça peut être très simple de convertir de la colère de cette façon-là. Bonjour, Jacinthe. Personnellement, moi, la colère, je ne la polarise pas dans le négatif. C'est de l'énergie psychique, c'est au niveau psychologique qu'on polarise, puis qu'on en fait quelque chose de. C'est justement parce qu'on est psychologique que ça devient un poison. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de transmettre l'énergie. On n'est pas capable de servir du négatif, le négatif entre guillemets. Puis c'est là que c'est dangereux. Moi, le négatif me sert. Même le monde qui m'aime pas me sert. Tout sert. Tout sert. Vous avez eu la colère au bon moment, c'est ça que certains jalousent en vous. La colère, c'est comme l'écœurement. Peut-être. J'ai bien de la misère à comprendre l'affaire de jalousie. Pourtant, je me rends compte que ça peut être possible. Ça pourrait expliquer bien des affaires. Pourtant, j'ai rien à jalouser, là. Je veux dire, c'en est ça, de la personnalité et du psychologique. Comment est-ce qu'on peut envier son prochain? Tout le monde est dans l'expérimental. Hein? Souvent, on va dire, ah, ben, si j'étais à ta place, je ferais telle affaire. Ben non, parce que si t'étais à sa place, tu ferais exactement ce qu'il fait. C'est sûr. C'est ça, la programmation. C'est très vrai, la colère est une énergie. Ben oui. Exercer la parole, cela peut être en soi seulement, non? Oui, mais c'est pas pareil, là. Mais de toute façon, tous les jours, on interagit avec des gens. La parole, c'est pas, les autres sont pas obligés de s'en rendre compte que vous l'exercez. La colère me sert à être dans mon autorité afin de me faire respecter. Oui. Mais encore là, ça dépend, là. Parce que, comme par exemple, la colère, c'est une émission, hein. Ça peut être une émission, puis là, ça va être créer un champ. Puis là, ça va créer ce qu'on pourrait appeler. En tout cas, c'est pas être subtil, là. C'est colère comme crier dans la voiture. Non, c'est pas de ça que je parle. Pas de la colère, ça. Oh, vous parlez Elodie Hamid. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir. J'ai pas le goût de parler autour de moi. Ah, ben, la parole, c'est toujours autour de vous. Même si vous êtes toute seule, là, on jalouse qu'on n'arrive pas à atteindre. Bon, peut-être. Peut-être. Mais des fois, je regarde ça. Est-ce qu'il y a des gens que je suis jaloux? Non. Plus là-dedans, là. Dans le sens que. Pas ça, ça. Je suis pas. J'aime bien mes affaires. J'aime bien mes affaires, j'aime ça faire mes affaires. Non, je vois même pas ce que je pourrais jalouser dans le fond. Moi aussi, Berthold, je ne connais pas ce sentiment de jalousie. Ouais, ben dans le fond, tout le monde est à plaindre. Tout le monde est. Genre, jalousie qui? Hein? Salut Berthold, penses-tu que Bernard de Montréal et Daniel Kemp étaient sur la même vibration? Non. Non, non, non. La colère est vraiment une énergie puissante quand on sait la canaliser, effectivement. Pouvoir la transmuter, ouais. Je précise, parce que ah, j'ai fallu que je lise avant. Ariane, j'accepte pas la jalousie. Ouais. Ben, prenez juste la jalousie dans les couples. Souvent, ça vient d'un manque d'amour. Ça vient d'un manque de confiance. Ça vient d'un paquet d'affaires. C'est de la possessivité. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, même être jaloux des autres, c'est lié à cet animal, dans le fond, c'est l'animalité. C'est pas de la territorialité intelligente, c'est de la territorialité animique. Transformer le lait en beau, la colère en créativité. Bonjour à tous. Ah, bonjour à vous, bienvenue. Ouais, transformer le lait en eau. Ben ça, c'est mettre de l'harmonie. Même, c'est comme des fois, on pourrait, il y a des endroits, des environnements comme une maison, puis c'est laid, mais c'est juste parce que c'est pas en ordre. Puis à un moment donné, ben, vous mettez de l'ordre, vous vous rendez compte, ben, c'est pas si laid, c'est beau. Tous les endroits sont beaux. Je n'ai jamais compris la jalousie. Moi non plus. Mais je pense que c'est lié à un manque d'identité. Donc, moi, je peux même pas comprendre qu'on a de la misère à concevoir. Donc, ça devient complexe, là, quand je regarde ça. La jalousie, ça peut aussi venir d'un manque de confiance en soi. Ben oui. Ben oui, c'est comme si c'était un manque d'identité. Donc, le manque de confiance en soi vient aussi de ça. Donc, ça va donner même du monde qui vont s'affirmer. Mais s'affirmer psychologiquement, c'est pas comme, c'est pas exercer une vraie parole. C'est pas exercer une vraie parole. Je pense dernièrement, j'ai été classé comme un maître noir. Celle-là, je l'ai trouvée bonne. Celle-là, je l'ai trouvée bonne. Parce que, sachant c'est quoi ça? Je disais, oh, ouais. Moi, ça. Prenez des vrais maîtres noirs, là, comme il y a déjà eu, là. Pas vraiment incomparable. En tout cas, je pense même pas avoir autant de possibilités que ça. Je le trouve bon. Je me dis, ouais, ben, faut le faire. La jalousie ou se comparer avec les autres. Je comprends pas ça. Moi, ben, c'est de la rationalité psychologique. Dans le sens un ratio, là. Donc, il y a de la projection. Puis bon. Fait que c'est ça. C'est ça. Mais c'est comme l'affaire de maître noir. Là, j'ai trouvé ça fort pas mal. J'ai trouvé ça fort pas mal. La première affaire que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de maître, dans le sens que dès qu'il y a ça, il y a une illusion. Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise quelque chose. Ça, c'est un vrai maître. Il maîtrise une technique. Quelqu'un qui maîtrise les autres, là, ça, premièrement, ça se peut pas. On peut juste maîtriser les programmes des autres. Là, ça veut dire on maîtrise pas ses propres programmes. La différence entre l'autorité puis la domination. Dans le sens que l'autorité réelle, ça va être une éloquence. Une éloquence, genre, il n'y a rien à faire. N'y a rien à répondre, on bloque. Ça, c'est frustrant. Hein? Ça, c'est de l'autorité réelle. Ça, c'est de la jalousie est une forme de domination dangereuse. Je pense que la domination dans la jalousie, il y a de la compensation. De la compensation, mais. Ben oui, c'est de la domination aussi. Ça veut dire que le jaloux est dominé par quelque chose. C'est pour ça qu'il essaie de compenser vers l'extérieur. C'est lié au rapport. L'autre est une représentation pour le rapport à soi, à ce niveau-là. Donc, c'est psychologique. Mais c'est pas métapsychologique. C'est être pris dedans. C'est destructeur, la jalousie, c'est une force noire très difficile à combattre, une force de mort. Il faut le voir tout de suite. Moi, c'est arrivé une dame. Je discutais avec une autre dame. Puis on était. Je parlais dans la rue avec une voisine. Puis j'ai une autre dame qui nous suivait de loin. Me faisait pas confiance. Puis par après, je regarde ça, je dis, ben voyons donc. Voyons donc. Je fais de la. Mais ça, je peux comprendre, mais s'il reste que je vais trouver ça spécial. Moi, j'ai jamais été jaloux. Je suis pas. À ce niveau-là, niveau amoureux, je suis pas. Même à un moment donné, j'avais eu. Une ex-conjointe, fait que c'était pas ex tout à fait, c'était pas clair. Puis là, elle a décidé qu'elle voulait se faire un profil sur des réseaux de rencontres pour, ben, c'est ça, pour rencontrer d'autres hommes. Hein. Puis moi, bon, comme je suis pas jaloux, puis tout, ben, je l'ai conseillé. Hein? Finalement, ça n'a pas duré longtemps, je m'en doutais, parce que c'est sûr, tu rencontres pas juste du bon monde. Mais je me dis, bon, son expérience, faut qu'elle vive. Pour moi, la jalousie part souvent d'une programmation de manque de confiance en soi. Ben oui. Ben, le problème d'identité. Pas d'identité. Malgré quelqu'un qui a trop d'identité, mais c'est l'identité psychologique, là, il peut être trop de confiance en soi, là, il va être, comment je pourrais dire ça, impétueux, entre autres. La jalousie, c'est comme une maladie, ou pire que la maladie. Ben, ça vient de l'estre, dans le fond, là. Hein? Mais ça vient d'un manque d'identité. Je pense qu'on a mis le doigt dessus. Je veux dire, ça revient tout à ça, là. Peu importe comment je le regarde. Bon matin, Steve. Angélique, mes soeurs sont très jalouses et peuvent faire du mal inconsciemment. C'est plate. C'est parce qu'ils sont en... Il y a de la compétition. C'est comme dans une portée de chat. Il y a de la compétition avec les papes parce que c'est celui qui va avoir le plus de lait. Ça revient tout le temps à ça, un peu. S'il n'y a pas eu une intégration de ces mécaniques-là, puis que la personne reste dans la personnalité psychologique, là, ben, ils vont être en compétition toute leur vie parce que c'est des programmes qui datent de l'enfance. Donc, ça s'active tout seul en roue libre. C'est normal que des soeurs, même rendues à 60 ans passés, il y a encore de la compétition. C'est lié à l'instinct de préservation, l'instinct de survie. Donc, c'est celle qui va marier le plus de. C'est comme, il y a une dame que je connais, elle, ses soeurs, ils ont marié des médecins. Ils ont marié des médecins, puis c'est des dames très. Mais elle est plus. Est plus ordinaire, puis elle a marié un ouvrier. Mais elle est bien plus heureuse que ses soeurs. Dans le fond, qui est jaloux de qui? Hein? Elle a jalouse pas ses soeurs d'avoir marié des médecins. Puis... Voyons, ils sont pas heureuses dans le fond. Qui jalouse qui, en bout de ligne? Des fois, c'est la personne qui a l'air d'un échec qui réussit, qui a réellement réussi. C'est très subtil. C'est très, très subtil. Donc, comment récupérer l'énergie de nos expériences en intégrant? C'est de l'intégration. Si vous comprenez vos expériences, mais pas au sens de la compréhension réflexive psychologique, si vous comprenez vos expériences au sens où vous voyez le pourquoi, voir le pourquoi sans avoir à le réfléchir. Vous allez intégrer. Puis si vous avez réellement intégré, vous ne laisserez pas se répéter des programmes. Là, il y a une intégration. Là, vous allez récupérer de l'énergie. Quand un programme ne s'accomplit pas par la vue, par l'observation, puis vous ne le laissez pas s'accomplir, juste en l'observant, l'énergie, il y a une structure qui est brisée, l'énergie revient. Donc, ça revient à être astralisant de gaming. Ben oui. Bon matin, Mel. Téléphone, porte. Chez les Maghrébins, la jalousie amène beaucoup à la magie noire. Ben oui. Comment s'en protéger en n'y croyant pas, en donnant aucune importance? Aucune importance. La mère de mon père, elle a eu affaire à des mambo à Montréal, des madames vaudou. Il y en a une qui était venue casser des œufs devant sa porte, à un moment donné. Mais. Ma grand-mère, elle y croyait pas à ces affaires-là, dans le sens, elle savait que ça existait. Mais ça a fini, ça a pas été long, hein, les mambos, hein. Ça a pas été long. Ils ont fini par se rendre compte qu'elle était pire que eux autres. Elle était pire que eux autres. C'était un peu ça comme, en tout cas, je vais donner un autre exemple, là. Mais la magie, ça va être agissant selon les mécaniques inconscientes liées à l'âme. Donc, si consciemment vous les avez défaites, si consciemment les vieilles mécaniques, les vieilles structures, vous les avez défaites, mais consciemment, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y en a qui s'essayent sur moi. Il y en a qui s'essayent sur moi. Ça ne marche pas. Faites-en de la magie noire, c'est vous que vous allez détruire. C'est quoi le choc en retour? C'est quand ça ne se rend pas. Ça revient. C'est un peu comme vous lâchez un dissous d'un immeuble. Il va prendre la vitesse là, en descendant, c'est pareil dans le mouvement de retour. Attention, je connais bien la géologie dans ma famille. Oui, ben c'est pas mal toutes les familles, hein. Donc, ah ben de rien, Roselyne. J'ai pitié des jaloux, ils me font vraiment pitié. Ouais. Tant que c'est pas de l'empathie. En fait, tout part de la pensée, oui. Ben oui. Je subis de la jalousie présentement qui mine la relation familiale avec mon ex. Au cœur, notre fille, la nouvelle copine de mon ex, n'accepte pas qu'on s'entende bien. Ah oui. Ben, c'est comme je vous dis, c'est de la territorialité. Il y a de la possessivité là-dedans. Puis la possessivité, c'est pas loin de la possession. La possession, c'est quand c'est des programmes qui agissent à votre place. Donc, il y a du monde demain. Puis, la première phase avant la possession, c'est l'obsession. C'est l'obsession. Donc, peut-être que c'est dur de régler des affaires de même parce que c'est pas vous qui avez un problème. Donc, ça devient complexe, là. Un frère jaloux et qui baigne dans le vaudou, j'en rigole alors qu'il est capable de passer à l'acte. Ouais. Mais le pire, c'est que c'est pas sans effet, ces choses-là. C'est pas sans effet. Mais ça dépend quoi, là. Ça dépend quoi. Mais c'est parce que le problème avec quelque chose comme le vaudou, le houdou, puis ces pratiques-là, c'est qu'il n'y a pas juste ce qu'ils appellent les couleurs, là. Il n'y a pas juste les affaires dans l'air. Il y a des vraies connaissances au niveau chimique. Là, c'est pire. C'est bien plus dur de se protéger de ça, là. Si quelqu'un met une poudre dans vos souliers, c'est concret, ça. Donc, mais il y a tout le temps eu un lien entre la sorcellerie puis les connaissances au niveau des poisons, par exemple. D'ailleurs, on le voit, la plupart des procès à la Renaissance contre des sorciers, c'était pour avoir empoisonné du bétail. Très concret, ça. Regardez Lavoisin. Lavoisin qui ont brûlé. Louis XIV a voulu qu'elle soit brûlée sur du bois humide. Il était pas content. Ben elle, c'est une vendeuse de poudre de succession. Donc, c'est très concret. Il y a des aspects concrets, c'est ceux que je trouve les plus dangereux. Comme dans le vaudou. Bon, les yogans, les mambos, ils sont pas ben ben là-dedans, c'est plus ce qui est dans l'air, là. Mais il y a une affaire, c'est le boko. Lui, c'est un spécialiste des. Puis des fois, en plus, souvent, le boko. C'est pas juste un spécialiste des poisons, c'était carrément un revendeur de drogue. Souvent quelqu'un qui est criminel, c'est des criminels. Prenez les cartels au Mexique, là, il y en a bien gros qui font de la magie. Les triades chinoises, il y a tout le temps une pièce où il y a de l'argent d'encadré, puis il y a le maître des encens. Il y a souvent une statue de Guan Yu, puis c'est le maître des encens qui officie pour la prospérité de la triade. Une triade, pourquoi ça s'appelle de même? Il y a trois personnages. Un des plus importants, c'est le maître des anciens. C'est lui qui tient l'autel. C'est très lié à la magie. Mais dès qu'on tombe dans de la magie, le criminel est pas loin. C'est criminel jusqu'à un certain point. C'est lié. Bon, mais en tout cas. Par oui. Vous avez raison, chez les Haïtiens. Ah, oh, mais comme les Québécois en masse aussi. Tout le monde. Tout le monde. Ça change juste de nom d'une culture à l'autre. C'est tout pareil. Aimer, c'est pas vouloir posséder. Exact. Oui. Aimer, c'est vivre libre et pas vivre la possession. Ben, quand il y a de la possession, ça veut dire que ça vit à votre place. Dans le sens de l'énergie qui est aidée, ça en est de la programmation. Donc, une belle tare, la jalousie avec le conditionnement que nous subissons ici. Dès l'enfance, dualité, compétition, il n'y a rien à faire avec ça. C'est pas curable de façon conventionnelle. Il existe de la saine compétition. Ça existe. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas à polariser rien, là. Parce que la saine compétition chez les enfants, ça peut être bien. Parce qu'elle peut les porter à se dépasser, à faire mieux. Donc, en bout de ligne, ça peut servir. Hein? Comme l'OMS, moi. Pareil dans la mafia, ben oui. Ben oui, ils sont tellement superstitieux. Quand vous êtes reçu dans la mafia, là, ils prennent votre sang, ils vous coupent le bout d'un doigt. Ils mettent ça sur une image sainte, puis là, il y a un rituel, il faut brûler. C'est des sociétés secrètes. C'est des sociétés secrètes. Mais c'est comme dernièrement, il y en a un là, que je n'aimerais pas, il m'a accusé de faire de la, quasiment par association, de faire de la promotion de la magie puis de la sorcellerie. Moi, ça, pas sûr, là. Ça marche pas. Fait que moi, j'ai reviré ça de bord. Non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Toi et ta gang, ils en font de la magie. Ils prient Saint-Antoine de Padoue quand ils ont perdu une bébelle, puis hey, si vous priez un mort comme Saint-Antoine de Padoue pour retrouver un objet dans le futur, vous faites de la nécromancie. À un moment donné, ça va faire. Dans le sens, c'est pas du monde de même qui vont venir m'accuser de sorcellerie. Je n'ai jamais prié des morts, je n'ai jamais rien demandé à des morts. Puis, non, non, non. Ils sont dans go ici, puis dans nécromancie, puis ils ne savent même pas. En tout cas, sans savoir que ça existait, la magie noire, j'en ai subi durant 20 ans. On en subit tout un peu. Hein. En tout cas, ça dépend de la définition qu'on donne. J'en ai fait des intégrations, j'en ai pleuré des larmes tellement. La force qui voulait me détruire était puissante. Ouais. Ben, je me rappelle. Moi, ça me rappelle des expériences. Ça s'appelle l'émulation, la saine compétition. Moi, si on peut dire. Donc, oh, moi, je vais cesser bientôt. Il faut que je déjeune. Est-ce que le malheur des uns et les autres fait partie forcément de la programmation? Ben, par définition, oui, on pourrait dire ça. Mais ça dépend, là. Vous, sorciers, c'est pourtant tout le contraire que vous dites. Oui, mais on a affaire à des gens que, dans le fond, eux sont là-dedans, puis ils s'en rendent pas compte. Fait que là, ils vont me projeter. C'est comme l'affaire, là, il y en a en ce moment qui étudient, là, ils trippent sur la démonologie. Même J. Colin Plancy, il disait que le trois quarts, c'est de la bullshit. L'affaire, là, c'est que la démonologie, moi, regardez ceux qui se disent démonologues, la plupart du temps, c'est des comme les Warren, puis ah oh, oui, l'Église catholique les reconnaissait, ben, pas surprenant. Pas surprenant. L'affaire, c'est que si vous regardez dans les ténèbres regardent en vous. Tôt ou tard, ça va s'immiscer. Ça commence par une obsession. Ça finit par la possession. Puis vous finissez des fois en psychiatrie. L'occulte, là, c'est pas de la petite bière. Il y en a qui trempent là-dedans, puis ils n'ont pas les capacités. C'est dangereux. En tout cas, la compétition, c'est de la compétition. Ça n'existe pas, la saine compétition. Ben oui. Le truc, c'est être compétitif avec soi, même jamais à l'extérieur de soi. Ouais, mais là, ça devient une projection. Mais oui, ça existe, la saine compétition. Il y en a qui ont l'esprit sportif, entre autres. Ben oui, ça peut exister. Il ne faut pas le polariser nécessairement, là. Des gens, ils prient, ils ne savent même pas qu'ils prient, ça, c'est vrai. C'est lequel dont il y a un peintre, je ne me rappelle plus du nom. Il y a quelqu'un qui avait demandé ce que vous priez. Il dit oui, quand je prie, je prie. On prie tout. Qui nous programme? L'astral. C'est quoi un programme? Un programme, c'est une structure qui fonctionne d'une façon autorégulée. C'est ça un programme. Fait que même pas besoin. Même pas besoin. Juste ce qui fait qu'un poussin casse la coquille de son œuf, c'en est un programme. Donc, c'est qu'on, quand si c'est pas l'astral, c'est d'autres choses. Mais il y a tout le temps des programmes. Ah, là, je ne sais pas à quoi vous faites référence, Sandra. Effet boomerang, moi. Si vous donniez une définition de l'intégration, quelle serait-elle? C'est l'intégration, c'est l'expansion de la conscience. C'est ça l'intégration. Dans le sens que ce que les, entre autres, ce que les psychanalystes, les psychologues analytiques appellent l'inconscient, ça en est ça, de la programmation. Si c'est intégré par la conscience, là, on est une conscience intégrale. Donc, l'intégration, c'est l'expansion de la conscience, de la vue. Vous voyez ce que vous ne voyez pas avant. Puis par l'observation, vous êtes capable d'empêcher ou provoquer. Juste l'observation. Ça a une influence. Donc, je pense que c'est assez clair sur l'intégration. L'intégration, c'est l'expansion de la conscience. Donc, non, mais de rien. Donc, moi, je vais y aller, je dois manger. Voir, oui, voir. Ouais, la conscience, c'est une vue. Puis une vue, ça part tout le temps d'un point. Donc, sans tomber dans l'humanisme de la Renaissance, comme, comment il s'appelait, là? Pétrarque, là, c'est pas ça, là, que je parle. Donc, pourquoi c'est si compliqué d'intégrer, pourquoi les choses sont pas plus simples, faciles, parce que ça se défend. Ça s'est ancré par la répétition, fait que ça se défait aussi par la répétition. Merci à vous de rien, vraiment pas de quoi. Donc, moi, je vais devoir y aller. Donc, bon, mais c'était très bien, très plaisant. Donc, j'espère que ça a été plaisant aussi pour tout le monde. Ah, belle journée. Belle journée à vous. Bon, bonjour à vous tous. Bon, ben, merci à tout le monde. Bon appétit. Merci. Ben, vous aussi, si vous vous apprêtez à manger. Donc, bonjour tout le monde. Bonne journée à vous aussi. Hollywood, c'est un spécial comme nom. Belle journée à tous. Bon, ben, au revoir, Franck. Au revoir à tous.